Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Partons aujourd'hui dans le centre de la France. Amélie arrive sur Terre dans la famille des Baudins. Horrifiée par son univers quotidien, elle nous fait partager les mésaventures de sa famille. Mésaventures qui finalement vont lui faire aimer cette famille atypique et touchante. Le sourire à Tata Zep. À vous de l'Afrique, je te dénoyote les Mirabelles. Et il nous reste deux jokers à pétaper un ami. Des jokers. J'aime pas beaucoup qu'on se foute de ma gueule. Ça va, ma chérie? Ça va. Ah, ouh, quelle est la queue du Mickey? Hop là, ouh, quelle est la queue du Mickey? Ouh, quelle est la queue du Mickey? Ouh, piou, piou, piou, piou. C'est que là... Tu sais pas, et papa puis maman, ils ont du travail. Ben oui. Elle te plaît, ta nouvelle chambre? Tu parles d'une chambre, toi? C'est une écurie. Oh, mais tu sais bien que c'est provisoire, ma chérie. Je connais ça, le provisoire qui dure. Ça fait 3 ans qu'on est chez ta mère. Ça devait durer 3 semaines. Alors, de toute façon, je te préviens, Christian. Si ça s'éternise, c'est moi qui ferai le nécessaire. Je passerai pas l'hiver là-dedans avec la petite. Amélie, au pays des Baudins. Un film d'Éric Leroc. Un DVD M6 Vidéo.